épuisé, je n'ai plus l'envie de rien faire. Des problèmes à chaque jour qui se fait me rappellent l'enfer. Je tourne en rond dans ma chambre, j'essaye de m'occuper, mais le temps est de plus en plus long que je me vois trop craquer. Solitude par habitude me cause des douleurs. Des idées comme me droguer de médocs de toutes les couleurs. J'ai envie de quitter ce monde, à chaque fois la douleur est trop forte. Si je peux le dire, car elle est déjà morte. Les personnes que j'appelais amis sont devenues des inconnus, même si je les reconnaîtrais parmi tous ceux que j'ai vécu. J'aimerais au fond les revoir, mais ça me ferait du mal. Évoluer, de leur parler de mon mal. Pris du poids ou pris la drogue, ma cure ne m'a presque servi. Et qui voulait ma sortie, je me suis encore emprisonné dans ce monde sans teuf. Pour le confinement, je n'ai pas attendu l'arrivée du Covid-19. Dans cette même maison, m'en sortir m'aiderait tant. J'ai besoin d'être seul quand je le veux et en être indépendant. Je suis solitaire quand je vois tous ces connards, ceux qui jugent l'homme sans en connaître leur combat. J'ai détaché mes sentiments chimiquement avec des antidépressifs. J'ai testé tellement de médicaments que je m'y connais plus que la pharmacie. J'ai traîné en bas des tours, dans la rue comme sur mon lit. Si je regardais l'intérieur de mon bonheur, il serait sûrement vide. J'ai des images dans la tête, un ciel bleu, des paysages arrivés. Tandis que je me lève depuis tant d'années, c'est les mêmes pavés, les mêmes ratés, les mêmes espoirs qui un jour mènent à changer, qui m'aiment. Approchez, je ne suis pas un étranger.